Brésiliens sont en blanc, un Mehdi Pelé. Pas de but, fabuleux. On retraite, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle session de la bande à Badjou. On va parler aujourd'hui de la 29e journée qui a débuté vendredi et qui s'est achevée hier avec Toulouse-Marseille. Avec moi ce soir, on va commencer par les femmes. Salut Sarah. Bonjour à tous. On a Gabi avec nous aussi. Salut Gabi. Salut. Ouais, salut Nico et salut à tous. Et puis on a Flo aussi. Salut Flo. Salut à tous. Voilà, donc on va parler de cette 29e journée qui a débuté vendredi par Strasbourg contre Monaco. Hein, victoire 3 buts à 1 de Monaco. On reviendra tout à l'heure sur cette rencontre. On va plus parler d'un incident qui s'est passé. Hein, je pense que tout le monde l'a vu. Lille recevait Montpellier samedi. Au-delà du résultat un partout, il y a eu cet incident. Si tu veux, Gabi, parle-en un petit peu de cet incident pour essayer de... Rafraîchir la mémoire de tout le monde, mais bon, je pense que tout le monde y a vu, hein. Ça n'a pas passé inaperçu, je pense que toutes les chaînes en ont parlé, toutes les radios en ont parlé, voilà, il y a eu quand même un incident qui aurait pu être très très grave. Ouais, ça aurait pu être très très grave, parce que finalement, c'est une soirée qui se termine mal pour Lille, encore pire que le match nul, malheureusement, et puis ce classement qui est assez dangereux pour la fin de saison. Faut dire que je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils ont décidé, les hooligans lillois, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, malheureusement, ce n'est pas des ultras, ce n'est pas des supporters. Pour moi, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Ce qui est le plus choquant, c'est l'évolution de la situation après la fin du match. On voit des gens envers le terrain et ensuite on voit des gens carrément aller menacer de mort les dirigeants, les joueurs, frapper deux ou trois joueurs. Parce qu'on voit certains taper Nicolas Pépé. Hein. Enfin, Pépé. Alors que c'est quand même lui qui est un des meilleurs joueurs de cette équipe et ils s'en prennent à ce mec-là. C'est quand même fou, quoi. Ouais. Non, c'est clair qu'on a vu quelques personnes frapper des joueurs, mais les rater plus ou moins, heureusement. Oui, heureusement. Ce qui est dommage, en fait, c'est que il faut dire que ça n'a jamais arrivé dans la situation d'un conflit avec les supporters dans la Ligue 1. Moi, j'ai pas souvenir de ça. Même à Bastia, les pires choses qu'on a vécues avec l'Olympique Lyonnais, l'année passée, et puis l'interdit. Voilà, l'interdiction de terrain et de stade pour le public, les matchs à huis clos, c'est ce qui va attendre les Lillois, je pense, à mon avis. Je sais pas. Tu peux passer. Et alors, j'ai juste, avant de donner la parole aux autres, il y a eu un communiqué là, des Dogs, donc les supporters, groupe de supporters lillois. Je vais vous lire ce qui a été dit. Donc, ils ont envoyé un communiqué, c'était marqué « Vous allez beaucoup plus vite à porter plainte contre vos supporters qu'à répondre aux exigences de la DNCG. Vu la facilité avec laquelle les DVE sont rentrés sur le terrain tout en étant au courant que cela était envisagé en cas de mauvais résultat, j'y vois une certaine complicité qui vous arrange fortement, vous fournissant une certaine excuse pour pouvoir quitter le navire facilement. Peut-on notamment lire dans un message d'un membre des DVE qui a trouvé de l'écho auprès de tous les autres ?» Des supporters historiques du club en ont eu marre d'être pris pour des cons et de voir leur club couler de manière inexorable sans aucune réaction. La manière déplaît, mais c'est malheureusement la seule chose pour se faire entendre. Je trouve ça un petit peu dingue. Je sais pas ce que t'en penses, Sarah, toi. Tu penses qu'il n'y a pas une autre manière d'exprimer sa colère que d'aller sur un terrain et taper des joueurs ou insulter des gens, quoi? Ah bah bien sûr que si, ça c'est juste des personnes qui ont rien à faire dans un stade de foot, comme disait Gabi, c'est juste c'est pas des supporters, c'est des hooligans, et ils devraient vraiment être interdit de stade et voilà. Vous pensez pas, bah tiens Flo, tu penserais pas que ne pas aller au stade serait encore peut-être plus conséquent que d'aller sur le terrain? Bah, le problème, tu vois, c'est que quand il y a des déplacements, on voit de plus en plus des décisions préfectorales qui interdisent aux supporters de faire des déplacements, tu vois. Et avec ce genre d'accident, tu vois, j'ai peur que ça se généralise et qu'on s'en dise dans ce conflit-là. Ils interdisent les supporters de venir dans leur propre stade, t'imagines? Non, enfin, ce serait quand même fou, quoi. Mais ouais. Non, mais bon, enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais là... le foot français va mal à cause de ça. Le foot français est mal vu à travers les autres pays parce que voilà, hein, les images ont fait le tour du monde. Hein. Et je sais pas ce qui va se passer, mais on va se retrouver avec des stades de plus en plus vides à cause de ces conneries-là. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà que les stades ne sont pas remplis. En plus, en Ligue 1, et là, si on arrive à une situation où il y a carrément des situations de hooliganisme, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un problème de société aussi en France, ce qui se passe. On l'a assez répété aussi dans le passé avec, malheureusement, les situations précédentes à Bastia, etc. Mais la situation n'a pas changé finalement, et on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas sanctionnés, ou qu'on a sanctionnés peut-être un an ou six mois, etc. Mais là, je pense qu'il faut arriver à des sanctions pénales avec le club qui doit porter plainte contre ces personnes-là, qui soient interdits de stade à vie, comme a dit Habib Bey. Je trouve que vraiment, on est dans un problème de société, et ça touche vraiment maintenant le niveau. Ça touche les stades. Il n'y a plus de limite entre le sport et la société. C'est complètement... je sais pas, c'est un paradoxe. Tu viens au stade pour t'amuser, pour te divertir. Et on retrouve tous les problèmes qu'il y a dans la société, dans le football aujourd'hui. C'est pas nouveau, tu me diras, mais ça a pris une ampleur. Et moi, j'ai jamais vu ça dans le monde. Oui. En France, ça a pris une ampleur. C'était pas comme ça avant. Mis à part dans les pays comme on voit parfois en Égypte, où t'as carrément des fights dans les tribunes, ou en Colombie avec des arbitres qui sont coursés jusque dans les vestiaires. Je sais pas si vous avez écouté, là, il y avait eu un choc entre entre deux équipes d'Athènes, l'AEK Athènes et je m'en rappelle plus quel autre club d'Athènes. Et t'as le président du club adverse de l'AEK Athènes qui est rentré sur le terrain avec un pistolet pour menacer l'arbitre parce qu'il avait il avait pris une décision un peu une mauvaise décision sur une action de jeu, quoi. Et là du coup ils vont être suspendus, enfin c'est complètement fou, quoi. Vas-y. Si tu veux l'histoire, en fait, c'est que c'est le président du PAOK. Voilà. Qui est descendu des tribunes avec un taser et il voulait taser l'arbitre parce qu'il avait refusé un but qui était pas hors jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est encore... Mais toi, Sarah, par exemple, toi qui t'es allé au Parc des Princes à l'époque, on va dire en 2008 ou 2007, t'as connu un peu les problèmes qu'il y avait en tribune avec déjà... J'y allais très peu à cette période-là. Donc, j'ai pas bien connu tous ces problèmes, même si je suivais ça de loin. Télé, mais pas, de loin. Ouais. Non, parce qu'il faut dire qu'au Paris Saint-Germain, même les problèmes qu'il y a eu dans les tribunes, ça n'a jamais atteint ce niveau. On n'a pas vu des supporters aller sur le terrain frapper des joueurs. Enfin, c'est hallucinant quand même, quoi. Pour moi, c'est... Ça dépasse, ça dépasse le football, ça dépasse, quoi. Ça dépasse complètement l'imagination. Ça dépasse. Mais le problème qu'il y a, c'est que, comment dire, il y a eu des problèmes déjà antécédents avec les Marseillais, par exemple, dans les conflits avec les Parisiens dans les années passées. On n'a pas pris les enseignements. Il y a l'Olympique Lyonnais maintenant qui se mêle à la course avec tous les... Il faut dire ce qui se passe aussi à Lyon, hein, malheureusement. C'est que dans les tribunes lyonnaises, t'as pas que des gens qui sont dans une ambiance un peu démocratique, etc. C'est des gens d'extrême droite qu'il y a aussi à Lyon. Il y a le même problème qu'il y avait en 92 au Parc des Princes. C'est ça. Et on est en train... C'est le début. Et Olas, il protège ces gens-là. C'est la vérité, malheureusement. Et à Lille, il n'y a pas eu de suivi des supporters. Parce que le club allait tellement mal qu'on a tout, mis, en fait... pour essayer de sauver le club au niveau du sportif, mais on a oublié le côté supporter avec tous les gens présents dans les tribunes. On les a un peu délaissés, et justement quand le club va mal, il y a des gens qui en ont profité justement pour mettre leur haine qu'ils ont envers la société dans les tribunes, et ils confondent tout, ces gens-là, ils confondent tout. C'est sûr. Mais est-ce que vous croyez que les interdictions de stade vont suffire pour éradiquer ce genre de soucis d'hooliganisme. Parce que hier, c'est vrai que c'était. Ça suffira jamais. Ouais. C'est pas une interdiction de stade, ça va. Je pense que l'interdiction de stade, ça va juste envenimer les choses. Mm. C'est pas une solution aussi radicale que ça qui va solutionner tout, tu vois. Je sais pas, moi j'y crois pas, tu vois, l'interdiction de stade. Après, je sais pas votre avis, ce que vous en pensez, mais moi je pense pas que ça soit une bonne idée, tu vois. C'est-à-dire, tu penses pas que ça soit une bonne idée, c'est-à-dire, je comprends pas ce que tu dis. Donc, une interdiction de stade, c'est Lille qui joue plus sur son terrain, c'est ça, on parle bien de la même chose. Ouais, mais à un moment donné, faut faire quelque chose, quoi. Tu peux pas dire que. Enfin, je pense qu'il faut vraiment faire un truc, vraiment, faut faire preuve d'exemplarité, là. Tu vois, le club il a délaissé, comme je te dis, les supporters, et c'est un peu le bordel en tribune, on sait pas ce qui se passe. Ils sont étonnés qu'après il y ait des débordements, mais automatiquement, si t'as mis des gens d'extrême droite ou etc., ou qui ont envie de se battre à tous les matchs, c'est le club qui est responsable des supporters à un moment donné, tu vois. On fait ça pour les grands clubs, tu vois, Sarah, t'es d'accord, au Parc des Princes, on a fait le plan Le Prou. Pourquoi à Lille on ferait pas la même chose parce que ça s'est passé qu'une fois? Bah, tout à fait, hein. Pour ce genre de voilà d'événement, il faut prendre voilà les grandes mesures et voilà. Mais bon, ouais, on est quand même pas. Bah, vas-y, je t'en prie, je parlerai après. Vas-y. Interdiction de stade, ça va durer combien de temps? 3-4 matchs? À vie. Il faut faire ça à vie pour ces gens-là. Il faut les identifier. Il faut. Non, si t'en prends. Tu crois que le club va être d'accord financièrement? Et puis, enfin, je sais pas qui. Mais ils ont pas de décision à prendre. Ils ont pas le choix, malheureusement. Je crois qu'ils ont pas le choix là. Hein. Là, sincèrement, hein, ils n'auront pas de décision à prendre. Hein. Ça va au-delà de. Déjà, si le club porte plainte, comment tu veux qu'ils sauvent ces gens-là, en fait? Parce que le problème, c'est que si tu laisses des gens comme ça dans la tribune, à tous les matchs, les gens qui viennent en famille ne viendront plus jamais. Et la maille financière que tu attends au niveau marketing, tu vas la perdre. Parce que ces gens-là, malheureusement, ils dépensent rien, à part boire, etc. Ils vont pas acheter les maillots, les écharpes, les figurines, les peluches. Ils n'en ont rien à faire. Le club a besoin de se développer avec des familles. Si les familles viennent plus au stade, tu n'auras qu'une tribune d'ultra à droite et à gauche, et point final. Ça n'a aucun avantage pour lui. De toute façon, tout ce qui se passera, c'est que jeudi, il va y avoir la LFP qui va se réunir pour justement parler du cas des Lillois, enfin de, au moins du... Oui, bah des Lillois, de toute façon. Ce qui risque, j'ai lu entre les lignes, ce qui risque, c'est tout simplement une suspension du stade à titre conservatoire. Donc, ça risque d'être pour plusieurs matchs. Et après, est-ce qu'il va y avoir des sanctions contre le club? Ça, on le verra juste après. Mais bon, après, si les supporters sont mécontents... On en revient, c'est à cause de cette politique de Gérard Lopez qui est complètement à l'ouest. Et d'ailleurs, Flo, tu voulais justement parler de Gérard Lopez, parce que toi, tu es un fan de Formule 1, et Gérard Lopez, faut se souvenir, il avait eu une écurie et il l'a complètement mise en faillite. Si tu veux, en fait, il avait racheté l'ancienne équipe Renault en fait en Formule 1, via des capitaux et des fonds privés. Enfin, c'était un montage assez bizarre. Ouais. Et en fait, il s'est avéré que au bout de une saison et demie, deux saisons, on va dire, en fait, il avait comme ce qu'on voit à Lille, en fait, c'était que du blabla, il avait pas un seul sou. Mmh. Et du coup, il a coulé l'équipe complète, les mécaniciens, les employés de l'usine, ils étaient plus payés pendant au moins 3-4 mois, enfin si c'est pas plus. Et à la fin, la voiture, sans vous mentir, elle tenait avec des bouts de scotch, quoi, parce qu'il y avait même plus assez d'argent pour payer des pièces neuves, tu vois. Et il s'est fait jarter de la Formule 1 parce que il nuisait à la réputation, si tu veux. Mmh. Donc obligé de revendre son écurie et voilà quoi. Et ça m'étonne pas que Lille ça soit pareil, parce que en Formule 1 il a déjà eu une mauvaise réputation et s'est pris un petit peu un coup de pied dans le derrière pour le foot dehors, et à Lille il fait exactement la même chose. Je comprends pas comment Michel Seydoux à l'époque, qui était un homme respecté, qui avait fait remonter le club de Lille en les faisant jouer la Coupe d'Europe. En étant champion, tout ça, comment Seydoux a pu confier son club à un homme pareil, quoi. Alors là, franchement, j'arrive pas à comprendre. Bah, de toute façon, Lille, alors là, j'ai lu que même si Lille descendait en deuxième division, en Ligue 2, il resterait président à Lille. Ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Je suis pas sûr que là, les supporters, malgré tout, ils acceptent une deuxième année de Gérard Lopez. Parce que, alors, ils disent que c'est de la faute aussi de Bielsa. Mais Bielsa, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il est venu, on lui propose un contrat, il est venu, il a fait avec les joueurs qu'on lui a demandé. Parce que c'était pas lui qui a. C'est pas lui qui avait demandé les joueurs. Je crois qu'il est arrivé avec déjà des joueurs une liste préétablie, avec plein de nouveaux joueurs. Alors faut déjà arriver à créer une cohésion entre tous ces joueurs-là. Ça a pas du tout pris. Voilà, mais de la faute, c'est sa faute à Gérard Lopez qui je sais même pas s'il connaît quelque chose au football, ce monsieur. Ouais. Hein. Ouais. T'as pas l'impression, hein? Ben ça, exactement, c'est tout à fait ça. Mais tu sais ce qui nous avait marqué aussi à une époque, il y avait eu un Lille Paris Saint-Germain. Tu te rappelles, je t'avais parlé en fait des dirigeants dans les couloirs qui avaient gueulé sur l'arbitre comme si c'était des dirigeants de district. Ah oui. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais attends, ces gens-là, ils se comportent comme si on était le dimanche matin en vétéran ou je sais pas quoi dans les couloirs. Mais je me suis dit, mais l'organigramme la direction, ça doit être n'importe quoi. Ils doivent prendre des décisions à la va vite sur je ne sais quoi, et vu leur attitude qu'ils ont, c'est pas professionnel en fait, tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui est pas professionnel. C'était le but sur hors-jeu là, c'est ça, il y avait soi-disant hors-jeu et il y avait hors-jeu, le problème. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu gueules pas sur un arbitre comme si t'es le dimanche matin, voilà quoi. Enfin, je comprends pas, il y a plein de choses comme ça qui vont pas, et puis tu sens que il y a plein de choses qui sont délaissées hein, dans ce... En fait, il est juste venu là, Gérard Lopez, pour faire du marketing, essayer de faire de la plus-value sur des joueurs, mais malheureusement, il ne va jamais le faire. Hein, on l'avait dit depuis le début, hein, de toute façon. Ouais. C'est ça le souci. Enfin voilà, donc Lille qui a fait un partout contre Montpellier. Lille qui est toujours avant-dernier et qui a 9 matchs pour essayer de se maintenir. Ça va être très très très compliqué parce que déjà la semaine prochaine, Lille, ils vont à Monaco, déjà vendredi. Mmh. Ça va être déjà, je pense que ça va être très compliqué. Et après, bon, ça enchaîne avec des matchs contre des mal classés, mais ça veut pas dire que c'est dans la poche, quoi. Hein. Déjà, vendredi contre Monaco, ça risque d'être très compliqué, quoi. Et le pire, c'est que moi, j'attends le match, qu'ils reviennent une nouvelle fois au stade de Pierre Mauroy, si d'ici là, il n'est pas suspendu, enfin à huis clos. J'espère pour eux qu'ils vont être à huis clos, parce que je suis sûr qu'il y a certains joueurs, ils ont plus envie de jouer avec autant de monde dans le stade. Ils ont dû avoir peur, ce qui est tout à fait normal. Hein. Tout à fait. Mais j'ai trouvé ça bizarre que les joueurs ne se précipitent pas dans le vestiaire quand ils ont vu que les... Mais ils pensaient pas. Hein. Ouais, je pense qu'ils pensaient pas tous qu'ils allaient se faire... Ça allait aller loin. Ouais. Mais si tu veux, Nicolas Pépé, quand les supporters ils ont commencé à envahir la pelouse, Nicolas Pépé, il est resté sur le terrain et il leur a dit vas-y, venez vous battre. En fait, il les a un peu provoqués aussi, Pépé. Tu vois, je défends pas les supporters, moi, dedans. Franchement, c'est. Ouais, mais c'est pas un truc à dire, quoi. Parce que s'ils sont pas fins, mais d'ailleurs, ils étaient pas fins, quoi. Provoquer les supporters en leur disant vas-y, viens là, on va se taper dessus, c'est pas non plus intelligent, tu vois. C'est sûr. Non, mais de toute manière, il est hallucinant le communiqué qu'on fait les supporters. C'est hallucinant d'écrire un truc comme ça et de le valider et d'envoyer ça à la presse. Il cautionne. Voilà, c'était justifié, c'était le seul moyen. Mais comment ça, le seul moyen? Tu vis où? Tu vis en anarchie? C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Non, mais c'est pas possible. Vraiment, heureusement qu'il n'y a pas eu de. Qu'il n'y a pas eu de mort ou quoi que ce soit, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait pu dire à ce niveau-là, quoi. Enfin, ça aurait été terrible. On est vraiment passé à côté d'une catastrophe, quoi. Hein. Je pense qu'il y en a certains, ils minimisent vraiment les faits, quoi. Je pense... en fait, je ne pense pas que Gérard Lopez et les dirigeants de Lille minimisent les choses, mais ils ont mal... comment dire, étudier le problème d'entrée, en fait, je pense. Et d'ailleurs, ils sont là comme des gens naïfs. Ouais. Ils avaient été, en plus, interviewés au début du match, et Gérard Lopez disait, oui, j'ai rencontré les supporters, c'est des gens charmants, ils ont dit qu'ils me soutiendraient jusqu'au bout, et trucs comme ça. Et quand tu vois ce qui s'est passé, tu te dis, il y a un souci, là, quand même. Hein. Ah, tout à fait, ouais. Voilà, bon, allez, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce Lille-Montpellier. On aura une réponse déjà jeudi avec la décision déjà sur la sanction des Lillois. On va passer au match de Paris. Allez, on a les deux supporters de Paris qui sont ici. Donc Paris qui retrouvait les terrains après la défaite face au Real. Il rencontrait le dernier de ce championnat. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est les journalistes qui interviewait le FC Metz en disant, enfin beaucoup de joueurs en disant, vous allez ce soir, enfin cet après-midi tomber contre un PSG malade, est-ce que c'est une bonne occasion pour vous de gagner? Mais ça, c'était un fantasme des journalistes parce que franchement, même les joueurs disaient, mais c'est pas parce que Paris a perdu contre le Real qu'ils vont pas nous en mettre une ce soir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, 5-0. Tiens, Sarah, si tu veux nous. T'as regardé le match contre Metz? Ah bah moi j'étais au Ah Parc des bah t'étais au Princes, donc parc. Ben, dis-nous tes voilà. impressions un petit peu sur cette rencontre. Bah écoutez, voilà, moi donc j'étais comme tout le monde voilà, très déçue de l'élimination Ligue des Champions. Ouais. Voilà, mais c'est pas pour autant que je pensais pas voilà, assister à un beau match et à une belle victoire du PSG. C'est ce qui s'est passé samedi avec voilà, un score final de 5-0. Et puis voilà, enfin, Le vraiment un beau stade match était avec. pas plein, hein, samedi. Non, il n'était pas plein, mais par contre, il y avait une Oh. très belle ambiance Ouais. alors on aurait pu imaginer le contraire. Bah à la Et télé, justement, les t'avais pas supporters étaient d'ambiance à la télé présents et. d'ailleurs. Ah, faut Ben, arrêter de écoutez, parler moi de la télé. Faut arrêter. Arrête de parler de la télé. j'ai fait des vidéos. Simplement, il y en a une où tout le monde chante debout le parc, debout le parc, et tout le parc est debout en train d'applaudir. Donc, D'accord, c'est juste un d'accord. exemple, mais bon. Mais bon, c'était une belle Voilà. rencontre quand même, 5-0. Que dire? Bon, après, ils sont vraiment tombés contre une équipe de Metz vraiment faible, hein, il n'y avait pas d'autre mot. Je crois que Metz a eu deux occasions en tout dans ce match-là, mais après, voilà, c'est Paris qui a déroulé. Puis on a vu Christopher Nkunku qui a marqué deux buts, qui était prêt à marquer un troisième but. Exactement, oui. Franchement, qui a été très très bon pour ce match-là. Et Oui, d'ailleurs, ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. il a, oui, enfin, il a vraiment su saisir sa chance du coup sur ce match parce que voilà, tous les jeunes n'ont pas forcément toujours la chance de débuter un match et lui, il a vraiment su saisir sa chance en inscrivant un doublé et en manquant le triplé de peu, oui. Voilà. Et d'ailleurs, Gabi, t'en penses quoi de Nkunku? Il fait quand même, enfin, ça doit faire plaisir à voir par rapport à Kylian Mbappé qui est un petit peu sur la retenue dans Ouais. cette saison, quoi. Bah, en fait, moi, la question qui m'est venue en fait quand j'ai regardé le match hier, c'est comment ça se fait que Mbappé, il prenne pas ses matchs en fait pour soigner ses stats et planter plein de buts. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Mbappé, comme tu dis, t'as l'impression que soit il n'est pas dans la bonne position sur le terrain déjà d'une pour mettre les buts qu'il devrait mettre, ou alors même contre les petites équipes, il joue avec le frein parce qu'il regarde les autres, ou alors il prend pas les initiatives. Bon, c'est vrai que sur le but, il y a le premier but par exemple, il y a une frappe détournée qui fait. Enfin, il tente des choses, mais le problème c'est qu'un joueur comme ça, au prix qu'il est, on va pas remettre le prix sur le tapis, mais c'est un des facteurs, c'est un des joueurs qui a été marquant en fait dans la période des transferts, et il devrait prendre le jeu à son compte en attaque. Et c'est un truc que je comprends pas, ça. Mbappé, on va dire que l'année dernière, il a été très bon avec Monaco pendant 3 mois. Sa plus-value, elle a été énorme ensuite au niveau du transfert. Il est arrivé au Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce qu'il a montré, je veux dire, Ben pas grand-chose, hein. d'important, pas grand-chose. Et sur un match moyen comme ça, une équipe moyenne, même déjà contre Strasbourg, par exemple, quand ils ont perdu à Strasbourg, il était titulaire avec Cavani, je crois. Il y avait plein de petits matchs comme ça où il doit planter, il doit planter, il doit faire plus de choses, prendre le jeu à son compte en attaque, sur les ailes. Il doit pas attendre que Di Maria rate des passes ou des centres, il doit essayer de faire quelque chose, créer. Et lui, en fait, il attend les ballons en fait, un peu dans la position d'un avant-centre pur, mais il est toujours désaxé un peu. Et c'est un truc, ça m'horripile un peu parce que Mbappé, dans ce match-là, il doit mettre 3-4 Ah buts. bah oui. Et c'est Nkunku qui les met, quoi. C'est quand même dingue. Un joueur qui a joué pratiquement un ou deux matchs sur un ou deux matchs titulaires dans l'année. Et c'est lui qui fait le show, quoi. Il est très bon, Nkunku, il n'y a pas de souci. Bon, après, j'ai peur qu'il soit prêté. Ça sera un autre débat. Mais j'ai peur qu'il soit prêté dans les équipes comme Metz ou Saint-Etienne ou Troyes l'année prochaine, etc. Pour qu'il ait du temps de jeu. Je le vois pas partir comme Kingsley Coman au Bayern Ah non. directement, par exemple. Mais il y a l'équipe de France, il faut passer par l'équipe de France Mais déjà, il faut faire il y des a une choses. image qui parlait d'elle-même sur Facebook, ça m'a fait rire. C'est que tu voyais Kylian Mbappé à Monaco, t'avais Donatello. Et Ouais. Kylian Mbappé à Paris, t'avais Franklin. C'est la tortue D'accord, ouais, Franklin, quoi. la Voilà. tortue, bien sûr. Mais c'est. Oui, c'est imagé, mais c'est presque ça, quoi. Hein. Il est pas. Il fait pas peur à Mbappé à Paris cette année, quoi. Non, non. Bah, après, est-ce qu'il a reçu des chocs ou il se retient par rapport au choc qu'il a eu avec aussi Anthony Ah, c'est Lopez, possible aussi, hein. C'est possible. qui finit moins bien sa saison qu'il devrait. Je sais pas, mais on verra. Hein, mais moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas pu compter sur ces joueurs-là contre le Real et on ait dû dépendre encore une fois de certains en D'ailleurs, attaque comme Di Maria. justement, il avait été pris pour ça, c'est pour briller en Ligue des Champions comme il avait fait l'année dernière, quoi. Après, il est jeune. Il y a une Voilà, moi c'est phase ce que je aussi. voulais Vas-y, rajouter ouais, justement. voilà. Enfin, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier qu'il a à peine 19 ans, Oui, c'est vrai. qu'il faut qu'il digère quand même le prix de son transfert, qui est quand même le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, et qu'il a surtout pas la même pression médiatique au PSG qu'il pouvait l'avoir à Monaco. Donc tout ça, enfin simplement ces seuls facteurs Ouais. peuvent quand même expliquer en partie voilà qu'il soit pas au top cette saison comme il pouvait l'être la saison dernière. Puis peut-être qu'on lui en demande trop aussi. L'année dernière, il avait été une révélation, il avait été très bon, mais peut-être qu'on lui en demande trop aussi, hein. Voilà, comme Mais tu je sais dis. pas ce qu'on lui Voilà aussi, demande en ouais. fait. Je sais Ouais. pas ce qu'on lui demande. C'est ça. Parce que Bah de continuer non, de comme il avait fait confirmer. l'année dernière, sûrement. Oui, parce que confirmer, c'est parfois le plus dur, justement. C'est parce que C'est c'est. parfois plus dur que de se révéler, justement, de confirmer. Tout à fait, Mais sinon, c'est. dans l'équipe, il y a un joueur qui, pour moi, c'est toi qui as mis ça dans les titres, mais c'est vrai que moi, il y a un mec que je trouve vraiment bien dans cette équipe, c'est Thomas Meunier, qui, bah, il est, moi, je trouve que c'est un des plus exemplaires de cette équipe de Paris cette année, quoi. Ouais, Et tout à fait, d'ailleurs, il a c'est. marqué un super but. Il est beau son premier but, là, l'espèce de reprise de volée. Ouais, elle est simple, Elle est mais simple, mais propre, elle est vraiment. propre, Oui, quoi. mais oui, il faut la mettre quand même. En plus, c'est un défenseur, donc. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais il fait une action. Alors, je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, où il fait une action typique qu'on aurait pu penser de Neymar, en fait. Où il fait un dribble, enfin, je sais plus ce qu'il enchaîne, mais un enchaînement technique vraiment exceptionnel. Ah ouais, bah c'est ce Donc que les gens ont rien dit. que cette action-là. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, Celle Thomas où il... Meunier. Vas-y, Florian. J'allais dire, c'est celle où il fait le grand pont qui déborde, un truc comme ça, Exactement, non? c'est Ouais, celle-ci, oui. Bah, je pense ça qu'il y en a peut eu une dans le match et que. Enfin, en être. tout cas, de sa part. Et... Oui. Non, mais vous voyez, Thomas Meunier, c'est un joueur, en fait, travailleur. Même quand il était remplaçant, il n'a pas mis des tweets, etc. Même sa femme, je pense qu'il l'a interdit de tweeter à sa femme. Parce qu'elle pourrait, hein, parce qu'elle élève un enfant en bas âge, elle pourrait faire des choses à la maison, dans son dos, mais elle fait rien. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui est responsable. Alors lui, franchement, ça serait une très grosse erreur de le vendre l'année prochaine. Ça, c'est un truc que je comprendrais pas au Paris Saint-Germain. On a fait des erreurs dans le passé en vendant Matuidi, je pense, mais là, par exemple, vendre Thomas Meunier, ça serait catastrophique. Ça voudrait dire que le projet, il n'y a rien de cohérent dans le projet. Et d'ailleurs, tu vois, Nico, ça fait une transition pour Neymar, Voilà. parce que malheureusement, là, je ne sais pas ce qu'on entend en ce moment depuis 2-3 jours, c'est Neymar ne souhaiterait pas revenir au Paris Saint-Germain dans les conditions actuelles du club. Ça voudrait dire que. Il veut pas jouer avec les joueurs qui est actuellement au Paris Saint-Germain. Déjà, il veut plus de l'entraîneur. D'ailleurs, il y a El Raïlaïfi qui est parti, il paraît aujourd'hui d'urgence au Brésil pour aller lui parler pour voir ce qui va pas, quoi. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Bon, est-ce que Pour c'est aller le vrai ou pas, j'en consoler. sais rien, mais ouais, c'est ça. Non, mais voilà, on a des rumeurs de départ, alors soit au Real, soit revenir au Barça. Enfin bon, Moi, c'est. personnellement, toutes ces rumeurs, j'y crois pas une seconde. Mais Ouais. est-ce que tu crois vraiment qu'il veut rester à Paris parce que je sais pas, moi, bon, de regard extérieur que j'ai, je trouve qu'il j'ai pas l'impression qu'il s'épanouit vraiment à Paris, moi. Bah, écoutez, voilà, il a peut-être pas encore eu le temps aussi de s'épanouir. Mm. Et voilà, je pense que s'il a signé au PSG, il a signé un contrat de 5 ans, il me semble. Mm. Son objectif, c'est quand même, voilà, de montrer ce qu'il sait faire, de réussir au PSG et de marquer l'histoire du club. Mm. Et notamment sur la scène européenne. Donc, je pense pas que ça serait, qu'il aurait intérêt au bout d'un an de partir comme ça sur un échec, surtout qu'il va manquer toute la fin de saison, ça, il me semble. Mmh. Donc, il y a une des choses, de toute manière, qui est certaine, c'est que c'est Marca, le journal madrilène, mmh, qui a lancé les premières rumeurs. Donc, on va dire que c'est un facteur important, c'est-à-dire qu'en général, t'as 10% de vrai et 60, oui, et 90% de faux dans Marca. Et puis, c'est dans l'intérêt des journaux espagnols de détruire un peu le PSG avant la fin de saison, pour justement que l'année prochaine, il y ait moins de grands joueurs qui aient envie d'aller à Paris. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en considération. Mais moi, je me demande vraiment, à l'heure actuelle, si le Paris Saint-Germain est en position de vouloir retenir Neymar à tout prix, ou ils veulent vraiment créer une équipe et un projet, parce que comme ont dit certains journalistes, Neymar c'est pas un projet de jeu, Neymar c'est un joueur qui ferait partie d'un collectif, et tu peux pas dire on va acheter Neymar et puis on va gagner une Champions League, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais, c'est donc, sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, ils parlent de Neymar tous les jours, hein. On peut pas passer à côté, hein. Voilà, c'est Neymar, ça fait vendre énormément de papiers et trucs comme ça. Donc, voilà. Et toi, Sarah, Oui, vas-y. Ouais, je voulais demander à Sarah comment elle avait trouvé Areola pendant le match, vu qu'elle a pu voir un peu le gardien sans la caméra de télé, quoi. Bah, écoute, honnêtement, je trouve qu'il a pas eu grand-chose à faire dans le match. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait. Bon, il y a eu une très grosse occasion de Metz en première mi-temps, mmh, avec une barre transversale. Et puis, le reste, franchement, sur ce match, je pense qu'on peut pas vraiment le juger sur ce match, en tout cas. Ouais, d'accord. Ouais. Et Emery sifflé. Est-ce que tout le parc a vraiment sifflé, ou c'était une partie des tribunes à l'annonce de la composition d'équipe au début du match? Moi, j'ai ressenti plus une partie. En tout cas, c'était pas unanime, vraiment. D'accord. Bon. Eh ben alors, victoire. Après, de Paris. C'est l'impression que j'ai eue. Alors, donc, je sais pas, mais moi, j'étais oui. Donc, c'est l'impression que j'ai eue. Mais. Ouais. Non, mais déjà, c'est bon à savoir, parce que quand après on écoute les TV, ouais, on nous dit tout le parc a sifflé, ouais, etc. Donc, quand on sait qu'en plus, bon, t'as des abonnés qui ont boycotté, en fait, ce match-là, un peu comme l'après Barça-PSG. Mmh. Le problème, c'est qu'une fois que t'as les abonnés dans le stade, ils vont compter les personnes payantes. C'est-à-dire qu'ils vont pas compter les gens qui sont pas venus au stade dans les fiches de match, et ils vont te compter peut-être 38 000, 39 000, sauf qu'il y avait 30 000, à vue d'œil, il y avait 30 000. Mais bon, après... le boycott du parc, moi je trouve ça un peu dommage, quoi. Il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à modifier au niveau de la culture en France encore, par rapport au football, quoi. C'est ça, on a vu ça avec les hooligans déjà des années, ouais, 80 à Lille, et malheureusement des footix qui viennent pas au match parce que le PSG s'est fait éliminer, quoi. Alors qu'il faut supporter l'équipe même quand elle perd, quoi. Mais en tout cas, les supporters présents samedi ont vraiment fait le spectacle, et ça, je peux vous le garantir. C'était les vrais supporters. Ouais. Voilà, les vrais supporters, et notamment en tribune Auteuil, mais même dans tout le stade, vraiment, c'était un vrai spectacle. Surtout après, 4 ou 5 jours après une élimination Ligue des Champions. Donc, après, on peut aussi croire tout ce que disent les médias, mais moi, j'étais au stade et vraiment... j'ai été ravi vraiment du spectacle, déjà sur le terrain et puis dans les tribunes. Est-ce que pour vous, championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, ce serait quand même une bonne saison? Ou alors est-ce qu'il fallait quand même qu'ils aillent le plus loin possible en Ligue des Champions pour que ce soit une bonne saison? Vas-y. J'allais dire, il fallait qu'ils passent un palier en Ligue des Champions. Je dis pas la gagner forcément. Mais moins arriver en demi-finale, quoi. Et montrer que l'équipe avait progressé, que l'achat de Neymar, Mbappé, Alves avait fonctionné dans ce sens. Donc là, pour moi, non, la saison n'est pas vraiment réussie, parce que la Ligue des Champions reste l'objectif majeur du PSG, et qu'ils ont montré qu'ils n'avaient pas progressé, malheureusement. Bon, après, il n'y a rien d'honteux de perdre contre le Real ou de se faire éliminer par le Real. Mais ils n'ont pas montré dans le jeu et dans leur état d'esprit qu'ils avaient progressé en Ligue des Champions. Comme ouais, c'est ça. Et toi, Sarah ? Bah oui, je suis d'accord que voilà, l'objectif numéro un, c'était forcément de passer un cap en Ligue des Champions. Maintenant, il faut aussi récupérer le titre de championnat puisque on l'a perdu l'année dernière. Donc, Déjà. Vous avez 17 points d'avance, je crois, 14 points d'avance, pardon. Bon, c'est pratiquement fait, hein, en 9 voilà, rencontres. Faudrait vraiment qu'ils perdent les 9 rencontres pour ne pas être champion. Hein. Franchement, ce serait vraiment catastrophique d'en arriver là. Mais allez, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, le PSG l'a déjà fait une fois. Bah, ce sera encore un record pour eux de le faire deux fois pour un même club. Ce serait une saison à demi satisfaisante quand même, quoi. Non, pour moi, ça sera une saison satisfaisante au niveau national. Voilà. Parce que déjà, on récupère le titre et si tu gagnes la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, c'est encore un doublé qui montre une régularité, c'est important. Et ça laisse de la place après, pour la Coupe d'Europe aussi, pour les autres clubs. Ouais. Et moi, exactement. Pense pas que... Et puis ça enrichit le palmarès quand même. Donc, aussi. Ouais, moi je pense pas qu'on aurait gagné la Ligue des Champions. Toute manière, au niveau du dernier carré, ça aurait été difficile de passer les demi. Parce que si le but, c'est les quarts de finale, je veux dire, Paris doit avoir un peu plus grand que ça quand même, quoi. Pour moi, les dirigeants, ils ont pas assez affiché le titre de Champions League dès le début de saison. Ils auraient dû dire, cette année, on joue ça, point final. Ils l'ont pas assez dit. C'est pour moi les joueurs ils sont pas sentis concernés hein. Quand tu vois les joueurs sur le banc de touche sur lesquels on n'a pas pu compter en Champions League parce que Emery les a mis à dos un peu en les faisant pas jouer etc comme on a dit faut pas s'attendre à ce que t'ailles pas loin hein. Tout était logique hein, en Champions League hein. Il faut vraiment afficher ses ambitions hein. Je pense que Marseille en 93 et 91 ils avaient vraiment dit dès le début de saison on veut ça. Il fallait mettre de côté un peu déjà depuis 86 quand Tapi avait repris qu'il voulait la Ligue des Champions. Il avait dit sur 4 ans quoi à peu près. Voilà, et en 4 ans, ils avaient réussi à faire demi-finaliste en 90 et 91 finaliste. Tu vois, ils avaient vraiment passé le cap directement quoi que là ben ils font du sur place Paris malheureusement. Ouais, malheureusement. Enfin voilà. Voilà, donc Paris qui a... Oui. J'avais juste une question pour Kurzawa, vous savez ce qui se passe ? Pourquoi il joue pas ? Pourquoi il est en prévu ? Ouais, j'ai des petites infos en fait, ce qui s'est passé par rapport à... Bon, on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas les infos ce soir-là, là, mais apparemment en fait, il y a eu une dispute avant le début de PSG Real Madrid dans les vestiaires. Entre le coach et Kurzawa, en fait, qui n'a pas accepté d'être sur le banc de touche, donc il l'a carrément mis en tribune. Et à la mi-temps, ce qui s'est passé, il y a eu encore des problèmes avec Thiago Silva, qui a demandé aux joueurs de se réveiller, etc. Et les joueurs lui ont dit de se calmer, que ça ne servait à rien de s'énerver. Enfin, je veux dire, il y avait des problèmes dans le vestiaire pendant ce PSG Real. Et Kurzawa, bah, il a été écarté depuis ce match-là. Et je pense que tu le reverras plus tant qu'Unai Emery sera là, quoi, malheureusement. Un peu comme un Ben Arfa, quoi. C'était un bordel. De toute façon, Emery, il s'est mis le banc de touche à dos. Comment il veut espérer faire des retournements de situation dans des grands matchs ? C'est impossible. Donc, D'accord. Voilà, donc comme je disais, Paris qui a 14 points d'avance sur Monaco. Allez, d'ailleurs, on va passer aux autres matchs de cette 29e journée. Alors, Monaco qui avait battu Strasbourg par 3-1. Bon, là, voilà Monaco qui renoue avec la victoire après son match nul la semaine dernière face à Toulouse. Bon, il se rassure contre une équipe... qui est pas non plus exceptionnel. Non, ils avaient battu Bordeaux la semaine dernière plutôt Monaco à domicile et à l'extérieur ils avaient fait 2-2 face à Toulouse et là donc ils battent Strasbourg 3-1. Bon Strasbourg bah, qui dégringole petit à petit encore une fois, hein, qui est même pas sûr de se maintenir en fait, hein, parce que quand tu regardes la 14e à la à la 16e place, jusqu'à la 19e, t'as 4 points quoi de entre le 19e et le 14e quoi, c'est quand même Et bon, bah, Strasbourg qui ne monte pas grand-chose en plus, hein, c'est ça le souci. Bon, ils sont tombés contre une bonne équipe monégasque, mais bah, Strasbourg qui est vraiment, vraiment à la peine et puis qui a vraiment un terrain mais dégueulasse, quoi. C'est pareil, hein. Ils Mais jouent c'est vraiment ça, sur un hein. terrain qui est pas du Ça tout leur rend adapté pas pour... service. Bah non, ça les rend pas service et c'est pas adapté pour la Ligue 1, quoi. Non, du tout, du Et tout. normalement, il va y avoir des sanctions sur les terrains, justement, s'ils n'étaient pas bien entretenus. Je ne sais pas ce qu'ils vont avoir comme amende, Strasbourg, mais ça. Franchement, Ça fait quand même. ça fait Ça fait dégueulasse. trois Ça, matchs qu'ils bah, sont ça, comme ça. ouais, ça Hein. fait 3 matchs, ça fait quand même depuis début février que c'est comme ça, hein, quand même, hein. Ouais. Mais apparemment, de toute façon, c'est quand tu vois, il y a une séquence dans le CFC où tu vois le jardinier avec le président Ribolovlev Il là, demande qui demande une écharpe. l'écharpe et l'autre il dit non, non, ça c'est l'écharpe des supporters. Ouais. Et tu le vois avec son pauvre râteau là en train d'essayer de cacher les mottes de taupe là, je sais pas quoi. T'auras plus envie de lui dire occupe-toi d'abord ton terrain, on verra l'écharpe à la fin, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. T'imagines très bien la qualité du terrain, pourquoi elle est comme ça. Enfin C'est bon, ça. bref, voilà. Donc Monaco qui Un est très. deuxième Ouais. avec 63 points, qui a 4 points d'avance sur Marseille. Samedi, il y a Et eu. Fabinho, regarde, Fabinho, comme par hasard, se réveille. Ça va être la période des transferts. Fabinho veut essayer de retourner au C'est Paris ça. Saint-Germain. Tu vas voir. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Ensuite, samedi, il y a eu Bordeaux qui recevait Angers. Et là, bah, match nul dans tous les sens du terme, hein, 0-0. Et là, on retrouve finalement le Bordeaux qu'on connaît depuis 2-3 ans, un Bordeaux soporifique, quoi, en fait. Il n'y a Ah, pas. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Flo, de ce match-là, mais c'était. Enfin, on s'ennuyait, quoi. ouais, j'ai regardé d'un œil le multiplex et Ouais. bon, Bordeaux, ils sont à leur place. L'effet Poirier, à mon avis, il est déjà fini, quoi. Mais avec l'effectif qu'ils ont, ils sont à leur place, Bordeaux. Si tu mises pas sur des joueurs, à part Malcolm qui se détache du lot, mais sinon, si tu mises pas sur d'autres joueurs, c'est sûr que tu peux pas viser autre chose que le ventre mou, hein, honnêtement. Et voilà Et puis quoi. t'as Malcolm qui a arrêté de jouer aussi, il faut dire les Bah choses. lui il veut Malcolm, il est partir de plus toute façon, motivé. hein. Il est Il plus veut s'en aller motivé. absolument, hein. Et le pire, c'est qu'Angers, dès le début de match, ils te mettent une barre transversale et tu vois que c'est eux qui vont faire le jeu, quoi. C'est quand même grave. Bordeaux, ils proposent rien du tout. Enfin, je sais pas, moi. Une grande ville comme ça, qui a perdu son football. Faudra inviter un jour un Bordelais à l'antenne pour en parler, mais c'est quand même désastreux, quoi. C'est comme si. Je sais pas, moi, c'est comme si à l'OM, vous aviez délaissé votre club et qu'il était en perdition comme ça. Il n'y a même pas de révolte, il n'y a rien. Je comprends pas, moi. Ouais, C'est quand même dommage. puis dans un stade sans saveur non plus, encore un stade qui était pas plein, enfin ça fait peine à voir, hein, quand même, hein. Quand Bah, c'est tu ça, hein. vois qu'il y a 8 ans, Bordeaux était bah, commençait la saison 2009-2010 en tant que champion, Champion. et je sais pas, 8 ans après, tu vois que Bordeaux c'est vraiment une équipe de milieu de tableau, mais qui montre rien de beau, quoi. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Ensuite, Dijon-Amiens, ça fait un partout. Voilà, bon, je sais pas, j'ai pas vu le match, pas grand chose. Pas Bah, grand il y a eu un chose. très bon Wesley Saïd, j'ai Ouais, trouvé là, d'ailleurs, qui qu'on a a marqué beaucoup un très joli montré. but, hein, d'ailleurs. C'est vrai que le Il but a, je trouve qu'il a des très bons gestes d'attaquant, un peu comme un Jimmy Briand quand il était jeune, ou un Lacazette aussi quand il avait commencé un peu à se montrer. Je pense qu'il faudra surveiller ce joueur-là. Peut-être qu'il fera une petite carrière à la Ben Yedder ou quelque chose comme ça, mais c'est un joueur vraiment à surveiller. Je pense que tu as des Je clubs pense que c'est comme sa dernière Saint-Étienne. saison, sera sa dernière saison à Dijon cette année, de toute façon, je Ah ouais, pense. pas mauvais. Par contre, devant, ils ont un Traoré, je crois, ou Touré, je sais plus, c'est celui qui était avec le bandage. Mais lui, techniquement, c'est une des raisons pour lesquelles Dijon a du mal. Hein. Parce que Tavares? Non, techniquement, c'est pas Julio. c'est pas un ami du football. Hein. Ah non, le ballon, c'est pas un ami du ballon, je veux dire. Voilà quoi, mais bon. C'est sûr. Donc un partout entre les deux équipes. Dijon qui se retrouve 10e. Et Amiens qui se retrouve 16e, qui est proche de la place de barragiste. Ensuite, nous passons à Nantes. Nantes qui recevait 3, et là, bah, victoire à la nantaise, hein, 1-0. Alors il y a eu une minute de silence suite pour rendre hommage au kiné qui est décédé, hein, qui avait passé plusieurs saisons au sein de cette formation nantaise. Et c'est vrai qu'il y avait eu un très joli hommage rendu. Et Nantes, eh ben, qui a gagné grâce encore une fois à Salah, hein, qui marque but sur but, qui est l'homme en forme de cette équipe nantaise. Et mine de rien, ben, Nantes qui recolle à cette cinquième place, qui, on rappelle, est qualificatif pour l'Europa League, quoi, cette année, quoi. Ouais. Mais Nantes, voilà, qui a fait du FC Nantes, qui a marqué un but, et puis après, voilà, on va pas plus loin, on se contente de défendre et on gagne le match. C'est du Ranieri, hein. Tout craché, ouais. Quoi. De Leicester, ouais, pareil. Ouais. Mmh, il avait fait ça à l'Inter de Milan aussi, mais il s'était fait virer parce que l'Inter, ça, c'était une équipe qui demandait beaucoup plus à son entraîneur, donc il n'était pas resté, mais il avait fait justement l'avant-titre de 2010 quand l'Inter était champion d'Europe. Ouais. Il avait commencé le travail un peu. Mais Ranieri, c'est 1-0 et puis on arrête. Enfin, c'est pas qu'on arrête, c'est qu'on propose plus rien d'offensif. Voilà. Et quand tu regardes, hein, mais c'est quand même dingue aussi. Le FC Nantes, c'est différence de but 0. Voilà, ils ont autant marqué de buts qu'ils s'en ont pris, quoi. C'est fou, hein, quand même. Il doit se dire avant les matchs, en fait, bon, là on met juste un but, comme ça on sera à 0 encore, voilà, la semaine prochaine. Mais bon. Voilà, donc Nantes qui est 5e pour le moment, et ça va batailler dur avec Nice, Rennes. D'ailleurs, on va en arriver à Rennes. Rennes qui a fait un partout face. Face à Saint-Etienne, Saint-Etienne qui avait ouvert le score grâce à Subotic. Et dans les 4 dernières minutes de la fin du match, c'est Ismail Assar qui égalise. Et les Rennais, bah, qui font un partout face à Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne qui ne perd plus, mais qui n'arrive pas à gagner. Saint-Etienne qui fait un peu du surplace. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de... Bah, c'était toi qui m'avais dit qu'il voulait parler de la Mouchi, Gabi, justement. La Mouchi, c'est encore une fois, c'est un coach qui est en apprentissage. Hein. Il est dans une bonne équipe avec des jeunes de Rennes qui ont des qualités, mais malheureusement, tu vois qu'il n'arrive pas à mettre en place quelque chose sur le terrain pour justement mettre en danger l'adversaire. C'est un coach qui joue avant tout le match nul et le point qu'il a eu à l'engagement comme un Galtier. C'est triste parce que finalement dans ce match là le score n'est pas du tout révélateur ni flatteur pour Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne doit gagner 2-3-0 au bout de 40 minutes. Ils ont énormément d'occasions de Saint-Etienne pour finir l'équipe de Rennes assez rapidement dans le match. Avec des frappes de Debuchy, Bamba, il y a Monet Paquet qui frappe sur la barre, t'as Cabella également en deuxième période qui doit justement mettre Saint-Etienne à l'abri en mettant le deuxième but, et il n'y a rien du tout. Et puis voilà, juste après dans les arrêts de jeu, t'as Rennes qui égalise sur un coup franc assez évitable. Enfin, je crois que c'est un coup franc ou un centre. C'est un coup franc, et en fait, il y a une tête, ouais. La tête décroisée, et en fait, Ruffier est battu. Ouais. Mais c'est le but à pas prendre, quoi, ça, hein, en fin de match comme ça. Mais pourtant, Ruffier a été très bon, hein, ce match. Hein. Voilà, Ruffier, pour moi, franchement, il confirme une nouvelle fois qu'il est dans le top 3 des gardiens français. Pour moi, en France, en Ligue 1, il n'y a pas mieux que Ruffier, Mandanda et Lloris en Angleterre. Mais vraiment, Ruffier, je trouve dommage qu'il ait refusé l'équipe de France pour la troisième place, parce qu'il s'est mis un peu en porte-à-faux avec Deschamps. Et il aurait peut-être pu jouer le poste de titulaire, voire deuxième gardien. Mais bon, tu me diras, c'est que Saint-Etienne, c'est que la Ligue 1, c'est pas l'équipe nationale. Il n'y a pas de Coupe d'Europe non plus, il n'y a pas de pression. T'as que la pression de tes dirigeants à ce niveau-là, quoi. Voilà, mais... Mais bon. Voilà, bon, la Mouchi à la fin du match qui fait la bise à Gasset en disant ouais, j'espère, vous inquiétez pas, vous aurez les points à la fin de la saison pour vous maintenir, parce que Gasset était un peu inquiet par rapport à la fin de saison. Mais moi, je serais plutôt inquiet pour toi, Sabri Lamouchi, parce que sincèrement, si tu continues comme ça, à mon avis, la fin de saison va être très difficile pour toi. Hein, donc, mais je sais pas, il a un manque de lucidité sur son équipe et sa qualité d'entraîneur, je pense. Ce sera vraiment une sacrée surprise de voir Rennes qualifié pour l'Europa League, quand même. Hein. C'est impossible. Pas qualifié, alors je sais pas, il doit y avoir des tours de qualification avant, hein, je pense. Ouais. Mais bon, ce serait quand même une grosse surprise, parce que Rennes, cette année, on n'arrête pas d'en parler, mais c'est pas terrible non plus, quoi. Ils se font bouffer dans le jeu, ils se font bouffer. Ils sont là un peu par défaut, si tu veux. On avait parlé de ça avant la trêve. C'est qu'à partir de la 5e place jusqu'à la 12-13e, Ouais, t'as un 13e, ventre après, mou ouais. énorme. Et de la 14e à la 19e, c'est les relégables C'est ça. pratiquement. Donc ils sont là un peu parce qu'ils ont 2-3 points de plus que les autres, mais ils peuvent atterrir 12-13e très rapidement, quoi. C'est pas. Voilà, bref, voilà. Enfin voilà, donc Rennes qui est sixième et donc qui est en course pour l'Europe. Et on va passer au match de dimanche avec Guingamp qui recevait Nice. Et là, gros score quand même. Nice qui bat Guingamp 5 buts à 2. Pourtant, Guingamp avait ouvert le score et puis Nice a fait le jeu. Et à un moment, il y a Guingamp qui revient à 3-2, quoi. Et moi, personnellement, à 3-2, je me disais, tiens, Guingamp va revenir dans le match et va se terminer à 3 partout. Et en fait, non, il y a Nice qui a marqué et ensuite qui a enchaîné avec un cinquième but. Alors bon, est-ce que c'est un réveil niçois ou est-ce que c'est parce que Guingamp est faible cette année? Je sais pas ce que vous en pensez, mais 5-2, c'est quand même ça fait mal. Ouais. Bah, Player hier, franchement, il a pas eu beaucoup de déchets dans son jeu. Et face au but, il a été très réaliste. 4 buts, Mais ouais. en défense, Marlon, il est passé complètement à côté de son match, hein. Alors là, sur le penalty là, au bout de 8 minutes, et encore, Guingamp aurait dû avoir un penalty juste derrière, Oui, normalement. c'est vrai. Et sur ses actions défensives, Marlon, il n'était pas rassurant du tout. D'ailleurs, il marque Hein. contre Guingamp, son camp en plus. ouais, ils auraient pu en mettre 3 ou 4 Guingamp en première mi-temps, honnêtement. Mais bon, le réveil de Pléa, et voilà, ça suffit, quoi. 4 buts. Moi, Voilà. j'ai pas du tout Vas-y, vas-y. regardé le match, mais oui, c'est vrai que rien que le quadruplé de Pléa, c'est impressionnant. Enfin, c'est rare quand même un Ben, quadruplé, donc. quadruplé, bon après c'est vrai que c'est contre Guingamp, mais bon t'as peu de personnes qui ont marqué cette année 4 buts, hein, je sais même pas, ça doit être le seul pour le moment, non? Je crois, oui. Je crois, Ouais, hein. c'est dur de se Neymar, faire des souvenirs. Ah peut-être Neymar, il en Neymar, avait contre trop Toulouse dit. ou contre Dijon, il n'y a pas eu un quadruplé de... Ah, si, il me semble, oui. Oui, Peut-être oui. contre Bordeaux, peut-être, je Il me sais semble pas. de Neymar, Non. oui, mais je ne sais plus quel match, Ah, oui. faudra Ouais, regarder ça, faudra ouais, voir. c'est pas grave. Donc Nice qui est septième. Voilà, donc le FC Nantes, Rennes, Nice qui se joue avec Montpellier aussi, qui vont se jouer cette place cette cinquième place qualificative pardon, pour l'Europa League. Et on Mais en passe tout au cas, match. tu vois, Nico, Ouais. je voulais juste dire que c'est vraiment inquiétant pour Guingamp parce que ça fait quand même 3-4 matchs que je répète que Guingamp, attention, ils ont engrangé des points avant l'hiver, mais les points positifs qu'ils ont eus là, ils sont en train de tous les perdre C'est là. ça. Et il va falloir faire très attention pour Guingamp à la fin de saison, hein, parce que moi, je les sens pas du tout défensivement. Ils prennent énormément de buts chez eux. Et contre un Nice qui est plutôt moyen, mais avec un très bon Pléa, c'est vrai. Mais moi je dis attention à Guingamp, hein, parce que faut pas se laisser aller comme ça peut aller très très vite. Mais ils ont gagné le dernier dernière victoire, c'est le 4 février contre Rennes. Ouais. Enfin, Ouais, et c'est puis il y a eu des défaites avant aussi, donc Il y a eu des défaites, il y a voilà. eu 3-0, et puis ils ont fait pas mal de matchs nuls aussi, quoi. Mais bon, c'est pas glorieux pour Guingamp. Alors attention à ne pas dégringoler et pas se retrouver dans une position vraiment défavorable. 17h dimanche, il y a eu Lyon contre Rennes, n'importe quoi, contre Caen. Et les Lyonnais ben, se sont imposés par un petit but à zéro. Match soporifique dans un stade pas rempli du tout. Ouais. Pire qu'au Parc des Princes, Pierre hein, là, Coparc, c'est. hein. Ouais, Pierre Ouais. Coparc. Et voilà, et c'est Traoré qui donne la victoire aux Lyonnais. Mais alors franchement, j'ai lutté. Bah, de toute façon, on s'écrivait en plus avec Flo. J'ai lutté pour pas m'endormir devant le match, hein, tellement que c'était moche ce match hier, quoi. À 17 h, t'as failli t'endormir. Ah ouais, non mais sérieusement, hein, sérieusement, j'ai failli m'endormir. C'était pas beau le match hein, hier. Hein. Tu sens qu'il y a encore. Bon, ok, ils ont battu le SCSKA jeudi dernier, mais tu sens que c'est pas encore tout n'est pas encore rétabli à Lyon, et puis bah, il y a encore Fekir là, qui va être opéré dans peu de temps, et ça, c'est plus grave que prévu, Fekir, là, en plus. Hein. Ouais, bah, Fekir qui sera absent 3 semaines, en fait, encore, c'est-à-dire qu'il va revenir vraiment pour les derniers matchs début mai. Je ne sais pas combien de matchs il va rester, mais pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'à Lyon, bah, au niveau du jeu, bah, c'est cassé, il y a un truc qui ne va pas. T'as toujours Genesio qui parle de l'arbitrage et des malchances, etc. Mais au bout d'une heure de jeu, quand tu comptes un tiers de chaque côté pratiquement et pas grand chose d'autre. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai regardé Traoré quand il a marqué, en fait. Mais t'as l'impression qu'il se tient les jambes comme s'il avait, il avait des crampes ou je ne sais quoi. Mais physiquement, les joueurs lyonnais, ils sont cramés, c'est fatigués. Pas possible, ouais, c'est sûr. Ils sont cramés. Et ils jouent pas en équipe, il y a plein de petits problèmes qui font que contre des équipes comme Caen, qui les avait éliminés en Coupe de France, c'est ça je crois, et ben tu devais mettre des pions, tu joues à la maison, tu dois mettre des pions, tu dois pas faire 1-0 minable comme ça, c'est pas possible. T'as le public a sifflé, n'a pas aimé. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc victoire lyonnaise, 1-0, les Lyonnais bah, qui restent pour le moment... quatrième à 5 points de Marseille. Donc ça va jouer entre Marseille et Lyon. Et on arrive justement à ce dernier match de la 29e journée où Marseille se rendait à Toulouse. Et victoire de Marseille de 2-1. Ce fut compliqué pour les Marseillais qui avaient pourtant ouvert le score à la 10e minute grâce au Campos, hein, qui est en forme en ce moment, Campos, et qui marque un but à la Ocampos. Hein. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il a mis... ça ressemble un petit peu à ce qu'il a pu mettre contre l'Athletic Bilbao la semaine dernière. Mais 9 minutes plus tard, c'est Firmin Mumbele qui égalise. Et à ce moment-là, hein, partout, on voit des Marseillais qui n'y arrivent pas offensivement. Valère Germain qui est encore trop juste devant le but. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment le gros problème aussi cette saison. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de très bons attaquants à Marseille, ça manque quelqu'un qui un tueur devant le but. Parce que des matchs comme ça, je pense que Marseille aurait dû le remporter plus que 2-1 quoi. Hein. Pour moi, c'est 2-1, c'est vraiment le minimum syndical. Et en plus, c'est Mitroglou. La possession de balle surtout. 64% de possession de balle. Marseille avait la balle. Ils avaient la possession de balle, mais n'arrivaient pas à marquer quoi. Les attaquants sont trop tendres devant quoi. Il y a pas de tueur, il y a pas de Gignac. Il y aurait eu un Gignac, je pense que Gignac aurait pu tuer le match dès le début. Voilà, c'est ce qui manque. Et dès que Marseille perd d'intensité, et ben ils deviennent vulnérables. C'est ce qui s'est passé. Toulouse a réussi à marquer assez rapidement. Je suis pas vraiment rassuré moi pour le match contre l'Athletic, le match retour là jeudi. Hein. Je suis vraiment pas rassuré. Mais bon, ils ont fait un changement 78e minute. Encore Garcia qui ne veut pas faire jouer Germain et Mitroglou ensemble. Mais bon, Mitroglou qui a réussi à marquer dès son entrée. Alors il a marqué, mais il aurait pu le louper. Hein, parce que quand tu regardes le ballon, il tape la barre transversale pour rentrer dans le but. Et après, Mitroglou qui loupe deux occasions assez nettes. Mais bon, ça fait 2-1 pour Marseille. Marseille qui remporte des petites victoires comme ça contre des clubs contre qui ils n'arrivaient pas à remporter les années précédentes. Et Marseille qui garde cette troisième place avec 5 points d'avance face aux Lyonnais. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match hier. Vous l'avez trouvé comment? Vous êtes régalé ou est-ce que c'était un petit peu ennuyeux par rapport à ce que pouvait proposer Marseille quoi? Moi personnellement, je l'ai pas vu. Ouais. Florian, moi non plus, j'ai pas vu. D'accord, merci. Bon, super. On voit, on voit les supporters. Ouais, non, de l'OM, c'est normal. Après, Le problème, c'est qu'à Toulouse, tu sais que depuis que Dupraz s'est fait virer, malheureusement, ou a démissionné, je sais plus, tu sais que Toulouse. Ils proposent pas un jeu, on va dire, agressif, etc. Ils ont bien joué pendant 20 minutes. T'as eu quelques débordements avec Gradel et Sanogo, mais il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Gradel, moi, j'ai bien aimé. Heureusement qu'il était là, hein, parce que je pense que là, à Toulouse, ils auraient vraiment coulé à un moment donné. Et c'est vrai que 2-1, finalement, le but, il arrive assez tard hein, pour le 2-1. Bah, c'est Et, le but qui fait, ça fait vraiment mal, quoi. C'est le but qui a fait mal. Et après, ouais. Marseille, à la fin du match, ils ont eu bah, la possession du ballon. Voilà. Mais c'est un. Mandanda, c'est pour... T'as vu Ouais, Mandanda? Mandanda a vraiment été Sincèrement. royal hier, par contre. Hein. Il n'y a Voilà. rien à dire sur sa prestation. Il l'a sauvé bah, en première mi-temps. Il a fait des arrêts de gardien de hand. Il a vraiment été décisif parce que je suis sûr que là, Toulouse aurait pu marquer deux ou trois buts hein, en première période. Hein. Ouais, bah, ils ont le 2-1 à un moment donné, si tu veux. C'est eux qui peuvent prendre l'avantage, mais tu as un grand Mandanda dans les buts. Et moi, je serais pas étonné, je pensais à ça, que justement Mandanda soit élu meilleur joueur du mois en Ligue 1 ce mois de mars, s'il continue comme ça, parce qu'il est bon en Coupe d'Europe, il est bon en Ligue 1. Et je pense qu'il se prépare lui aussi pour La l'équipe Coupe de du France, à Monde, mon ouais. avis. Hein. Mais Ouais. j'attends de voir sa prestation face à Lyon justement dimanche prochain, quoi. Voilà. Bah, de toute manière, il y aura un grand match des deux équipes. Et je pense que ça va être super intéressant ce match à regarder. Et ça va être passionnant parce que malheureusement, bon, tu sais que Paris, ils sont devant. Monaco, ils arrivent. Ils, Bon, à Monaco, Monaco vont rester sont un deuxième peu de toute détachés, façon. quoi. Ouais, Voilà. ils vont rester Ouais. deuxième, mais cette troisième place, si Marseille termine troisième, ce sera déjà une très très bonne saison. On aura fait deux places de plus que l'année dernière. C'est bien, surtout avec. Bah moi, pour moi, le gros souci, bon, t'as Rolando, et puis t'as quand même l'attaque qui est pas non plus. Qui est pas exceptionnelle. Je suis sûr que l'année prochaine, ce qu'il faudra, c'est recruter un bon buteur, quoi. Pas forcément un grand nom, mais un bon buteur, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ce sera ben, la semaine prochaine, 30e journée, avec Monaco-Lille dès vendredi. On retrouvera le samedi Girondins-Bordeaux face au Stade Rennais à 17h. 20h, on a droit à Amiens-3, Angers-Caen, Montpellier-Dijon. Et Toulouse-Strasbourg, là ça va être un match intéressant à voir aussi hein, entre les deux mal classés. Dimanche, alors horaire inhabituel pour le Paris Saint-Germain et même Nice, même horaire inhabituel pour la Ligue 1. Match à 13h, Nice contre Paris. Alors là je comprends pas trop cet horaire inhabituel, je sais pas pourquoi. Ça joue Pour à le... Ah Il me semble que c'est pour être diffusé en Chine ou non? oui. Il me semble, hein. Oui, ça doit être ça. Ouais. D'accord, C'est pour... ouais, bon. Ouais, c'est pour le marché à Hong Kong ou Asiatique. je ne sais où. J'avais entendu ça, D'accord. Ouais, et puis bon, ce sera un test, je pense, aussi pour l'année, enfin pour les autres années, hein, parce que si ouais que ça marche bien, ils en remettront d'autres après, hein. Mais ils font ça en Espagne déjà, et c'est pour ça que tu as des matchs en Liga À comme les midi, hein, mais des fois, Barça-Real. même à midi, Voilà, hein, des Barça, fois ça joue. voilà. Et les Barça-Real qui jouent souvent à cette heure-là, en fait. Ouais, Enfin, enfin bon, souvent, pas souvent, mais. c'est un match de prestige. Après Nice-Paris, Voilà. c'est pas non plus prestige. Enfin, c'est pas une grosse affiche non plus, hein. Tu mets un Non, non, Monaco, non. tu mets un PSG Monaco, un PSG Marseille à la rigueur à 13h, à la rigueur, tu te dis c'est pour le marché asiatique, pourquoi pas? Nice-Paris, ça fait moins Mais rêver, hein. nous qui travaillons, qui allons chercher nos enfants à l'école, on a besoin d'être à 21h devant la télé. On peut pas être à 13h. 13h, c'est l'heure où tu es occupé en France, tu Après vois. c'est Donc 13h un dimanche, bon, ouais, allez, ouais, un dimanche, tu me on va bien diras. voir ce Ouais. que ça va donner, quoi. Ensuite 15h, on aura le droit à FC Metz Nantes, 17h Saint-Étienne-Guingamp et enfin 21h Olympique de Marseille contre Lyon. Juste avant de nous quitter, je te donnerai la parole après Sarah. Juste, il y a les maillots de l'équipe de France qui ont fuité là pour la Coupe du Monde 2018 et franchement c'est une honte, j'ai pas d'autres mots. Je vous invite à regarder, hein, vous tapez maillot d'équipe de France Coupe du Monde 2018. Le maillot domicile, ce sera une espèce de marinière comme on avait eu pour c'était l'Euro 2012, je crois. Ou pour la Coupe du Non. Non, pour la Coupe du Monde 2014, non, ce sera. Ah, oh, il était moche. L'Euro Oh 2012. Mais c'est une espèce de là marinière. Mais alors le maillot extérieur. Alors t'as l'impression que les mecs, ils ont pris un maillot blanc, hein, qu'ils ont acheté, je sais pas, chez. J'ai pas de nom, chez Kiabi, hein, tu vois, qu'ils ont rajouté le coq avec le logo Nike. Et dessus, il y a des espèces de petites taches bleu, blanc-rouge, enfin bleu et rouge au moins. C'est dégueulasse, quoi. Ça fait des tout petits points, enfin, franchement, c'est dégueulasse, c'est une honte. Nike qui. Non, mais c'est Nike qui fait des maillots, mais dégueulasse, qui vendent ça à 85 euros pour t'acheter un t-shirt comme ça, quoi. C'est honteux, quoi. Ils ont aucune créativité, quoi. Enfin, je vous laisse regarder les images, vous ferez votre avis vous-même, mais je trouve ça dégueulasse. On va vraiment jouer avec des maillots pourris, quoi, cette année. Voilà. Et toi, donc, Sarah, tu voulais faire une petite dédicace avant de nous quitter. Voilà, exactement. Donc, je voulais passer un petit message parce que... Donc, voilà, je suis passionnée de football, mais je suis autant, voire même plus passionnée de musique depuis que j'ai 6 ans. Mmh. Et donc, je voulais vous faire découvrir ou même redécouvrir une artiste vraiment extrêmement talentueuse qui est belge et sicilienne, du moins d'origine sicilienne, qui s'appelle donc Dominique Fidanza, aujourd'hui plus connue sous le nom de scène Siganda, donc S-I-G-H-A-N-D-A. Donc, elle est auteure, compositeur, interprète. Et elle est même peintre et carnétiste au-delà de la musique. Donc voilà, elle a sorti deux albums. Un premier en français qui s'appelle Solipsiste, plutôt du style pop-rock, variété, enfin voilà. Et un deuxième, donc en 2016, plutôt on va dire jazzy. Donc jazz avec même d'autres styles voilà, à base de folk sicilien. Donc personnellement, je ne suis pas... très très très très informé sur ce style, mais en tout cas c'est très sympathique. Et donc c'est un album en italien, en sicilien et en français. D'accord. Et donc moi, étant vraiment inconditionnel de Norah Jones et d'origine italienne, je suis vraiment enchantée par cet album et en particulier par un sublime premier single qui s'appelle L'Acidruzzo. Alors je sais pas exactement comment ça se prononce parce que je ne parle pas italien ni sicilien. Donc désolée pour la prononciation. Et voilà, en ce moment en fait, elle développe un projet qui est celui de se produire sur cet album. Donc l'album c'est Mitophonie, avec donc un groupe de musiciens et donc elle qui chante, mais également avec un interprète en langage des signes derrière elle. Donc c'est vraiment, je trouve, une très belle idée et un beau concept et vraiment voilà. Et donc elle s'est pas mal produite en Italie avec ce projet. Et elle souhaite également se produire en France. Mmh. Alors, les infos que j'ai, c'est qu'elle a pas mal sollicité de contacts, mais qu'elle n'a pas obtenu beaucoup de retours positifs, ce que je trouve vraiment dommage, parce que c'est vraiment très intéressant. Et du coup, bah, j'en profite pour inviter les personnes, enfin toute personne qui travaille dans le milieu de la musique, ou même qui n'y travaillent pas, mais qui pourraient avoir des contacts avec des salles de concert parisiennes ou même en Ile-de-France, bah, me contacter par messagerie privée sur mon compte Twitter. Alors mon pseudo, c'est Sarah_CZ_. Et voilà, donc s'ils veulent me contacter via mon compte en messagerie privée. Et puis en tout cas, voilà, si vous êtes passionné de musique ou même si vous ne l'êtes pas, je vous invite vraiment à faire un tour sur son site officiel, donc www.siganda.com, et à écouter et à regarder ce qu'elle fait parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, le message est passé. Et puis vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook dans notre messagerie. On vous répondra. Eh ben, écoutez, merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve peut-être dans la semaine hein, pour un débrief de la Ligue des Champions. Hein. Il y a la Ligue des Champions cette semaine. On se retrouvera en direct pour débriefer des matchs qui ont été joués. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à vous trois hein, et puis à bientôt. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt.